بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، par la grâce d'Allah بحول الله جل وعلا on va commencer l'étude d'un nouveau chapitre. En ce premier jour du mois béni du Ramadan, en l'année 1441, al-Muwafiq correspondant, en l'année 2020. Alors on va commencer, Inch'Allah, sur un nouveau chapitre qu'a mentionné l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala. Donc l'auteur dans ce chapitre, il va mentionner, évoquer un verset du Coran. Et vous allez voir dans de nombreux chapitres qui vont suivre, hein, dans les prochains chapitres aussi, et de nombreux chapitres, on va étudier des versets du Coran, et ça correspond avec les circonstances, ça convient du fait qu'on est on a commencé le mois du Ramadan, et il est bon dans le mois du Ramadan de se remémorer et de réciter les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc là, l'imam al-Bukhari dit, donc ce chapitre va lier concernant, il va dire, hein, babu, chapitre concernant la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, babu qawli Allahi ta'ala, wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda bil haqq. Donc, ce chapitre sera relatif à la parole d'Allah. Il va dire chapitre concernant la parole d'Allah. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre avec un but bien défini. On pourrait traduire d'une manière relative. Hein. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre par vérité. Donc ça, si on le traduit d'une manière littérale, on pourrait traduire de cette manière. Mais comme vous allez voir, lorsqu'ensuite on va traduire, on va expliquer le sens de bilhaq, on pourrait traduire aussi, et c'est lui qui a créé les cieux et la terre avec un but bien déterminé ou bien défini. Et donc ça, c'est le verset 73 de Sourate Al-An'am, la Sourate des bestiaux. Donc dans ce chapitre, on va parler de la création d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et donc de ce verset qui nous mentionne où Allah, Jalla wa Ala, nous informe qu'il a créé les cieux et la terre pour un objectif bien précis. Et donc pour un but bien défini, comme on va l'expliquer dans ce qui va suivre à travers l'explication du grand savantissime Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah, qu'Allah lui accorde sa miséricorde. Et donc dans ce chapitre, donc, avec l'étude de ce verset, on apprend qu'Allah Jalla wa Ala, après qu'on ait appris qu'Allah Jalla wa Ala est le Tout-Puissant, il est celui qui détient cette sagesse infinie, Allah Jalla wa Ala nous dit dans le Coran « Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ard bil haqq » qu'il a créé les cieux et la terre pour un but bien défini. « Faqala al-sharih al-ba'u lil-mulabasa ou al-ba' lil-mulabasa wal-ghaya yani khalaqaha haqqan wa lam yakhluqha ahadun siwa khalaqaha bil haqq الغاية منها الحق كما قال جل وعلا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق في سورة الدخان. Donc, Cheikh ici nous explique, commence à nous expliquer le verset. Donc, il dit ce verset qu'a évoqué l'imam al-Bukhari en guise d'intitulé à ce chapitre. Donc, dans la sourate Les Bestiaux, le verset 73, on a dit. Donc, Allah Jalla wa'ala nous dit, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. On va rester sur le terme en arabe, bilhaq. Bilhaq. Si vous traduisez bilhaq, comme on a dit, littéralement, on dirait par vérité. Mais ici, il faut bien comprendre que le bi, Cheikh Ibn al-Uthaymeen nous dit dans l'arabe ici, dans la langue arabe et la linguistique arabe, ici son sens, par rapport au contexte hein, du verset, il dit, il sous-entend al-raya. Donc al-ba, ici la lettre ba, qui précède le mot al-haq, ici son sens c'est al-mulabasa wal-raya. C'est-à-dire, yarni khalaqaha haqqan. C'est-à-dire qu'Allah Jalla wa'ala a véritablement créé les cieux et la terre. Et personne d'autre que lui a créé les cieux et la terre. Il est le seul et il est celui qui a véritablement créé les cieux et la terre. Wa khalaqaha bilhaq. Et Allah Jalla wa'ala nous dit d'une manière littérale, et il l'a créé par vérité. C'est-à-dire, dans le sens al-raya. Al-raya tu minha al-haq. Et donc, c'est-à-dire qu'il l'a créé pour un but et un objectif. Kama qala jalla wa ala, wa ma khalaqana samawati wal arda wa ma baynahuma la'ibin. Comme Allah dit dans un autre verset, dans la sourate La Fumée, le verset 38 et 39, dans ces versets, Allah Jalla wa'ala dit, et il n'a pas créé les cieux et la terre par pur amusement. وَمَا خَلَقَنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ. Mais on a certes créé les cieux et la terre pour un but bien défini. وَمَا خَلَقَنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ. Et nous les avons créés, et nous les avons point créés si ce n'est par vérité, c'est-à-dire pour un but bien défini, si on veut le traduire de manière littérale. Donc là, on apprend dans ce verset qu'Allah Jalla wa'ala est celui qui a créé les cieux et la terre, et personne d'autre que lui a créé les cieux et la terre. Qu'est-ce que cela veut dire ? Khalaqa bimarna awjada min adam. Le fait de créer, lorsqu'une chose a été créée, quel est le sens de la création ? C'est-à-dire que awjada min adam, qu'Allah Jalla wa'ala a donné existence après le néant. C'est-à-dire que cette chose qui a été créée alors qu'elle était néant, alors qu'elle n'existait pas, Allah Jalla wa'ala lui a donné existence. Fassamawat kanat adaman wal aradun kanat adaman wa khalaqahu Allah Jalla wa'ala wa bayyana lana subhana annahu khalaqaha fi sittati ayyam بين ذلك إجمالا وبينه تفصيلا وهذا من حسن تعليم الله جل وعلا أنه يذكر الشيء إجمالا ثم يذكره تفصيلا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. Regardez ensuite, Cheikh nous explique bien. Donc le fait qu'Allah جل وعلا ait créé les cieux et la terre, c'est-à-dire que les cieux par exemple, avant qu'Allah leur donne existence, les cieux étaient néants, n'existaient pas. Ensuite, Allah Jalla wa'ala les a créés, dans le sens il leur a donné existence. De même, pour les différentes terres, pour la terre. Ici, la terre est mentionnée, al-aradun, Cheikh les mentionne au pluriel, les terres. Donc la terre, et on va expliquer cela ensuite, dans ce qui va venir. Donc la terre, alors qu'elle n'existait pas, alors qu'elle était néant, et l'adam, c'est ce qu'on appelle le néant. L'adam, on le traduit par le néant, l'inexistant. Allah Jalla wa'ala, ensuite, a donné existence à la terre. Et de ce fait, Allah a créé les cieux et la terre, comme Allah Jalla wa'ala est le créateur de toutes choses. فَخَلَقَهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَبَيَّنَ لَنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّهُ خَلَقَهَا فِي سِتَّةِ أَيَّمٍ. Donc ensuite, après qu'Allah Jalla wa'ala nous ait clarifier qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Ensuite, vous allez voir, Allah Jalla wa Ala va nous détailler cela en nous enseignant, en nous informant qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Donc, Cheikh Ibn Uthaymeen va souligner un point important ici. Il va dire, on voit que, on peut remarquer, observer dans le Coran qu'Allah Jalla wa Ala nous a parlé, nous a informé au sujet de la création des cieux et de la terre d'une manière générale. Donc, c'est une information qui est global. Ensuite, Allah Jalla wa Ala a clarifié cela et nous a informé de cela d'une manière détaillée. Donc, on a ces deux manières qui sont mentionnées dans le Coran. Aussi bien la création des cieux qui est mentionnée et évoquée d'une manière globale, et aussi on a des versets où Allah Jalla wa Ala nous enseigne et nous informe au sujet de la création des cieux d'une manière détaillé au sujet de la création de la terre et des cieux. وَهَذَا مِنْ حُسْنِ تَعْلِمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى. Et ça, Cheikh nous dit que ça fait partie du bon enseignement, c'est-à-dire de l'enseignement par excellence. Allah Jalla wa'ala enseigne de cette manière dans son livre, nous informe, il dit, de cette manière dans son livre. Premièrement, il évoque la création des cieux et de la terre d'une manière globale, comme on l'a dit. Ensuite, il va évoquer cela d'une manière détaillée. Comme par exemple, vous pouvez le constater dans la sourate Al-Hud, par exemple. Dans sourate Hud, le verset 1, où Allah dit plutôt, « Kitabun uhkimat ayatuhu, thumma fussilat min ladun hakimin khabir » Dans la traduction du sens du verset, Allah Jalla wa Ala nous dit, c'est un livre, c'est-à-dire le Coran, c'est un livre au verset solidement établi. Kitabun uhkimat ayatuhu. Un livre dont les versets sont solidement établis, thumma fussilat, et suffisamment détaillés de la part d'un sage parfaitement informé. Donc Allah Jalla wa Ala dans ce verset, il nous informe que ce livre dont les versets, il nous est dit en arabe, sont uhkimat ayatuhu thumma fussilat. Ensuite, ces versets sont véritablement et suffisamment détaillés. Comme ça sont décrits les versets dans le verset. De la part émanant d'un sage parfaitement informé. Donc on a la mention dans ce verset de deux noms parmi les noms sublimes d'Allah, Al-Hakim ou Al-Khabir. Et donc, là dans ce verset, Cheikh Ibn Uthaymeen nous donne la preuve qu'il y a des versets qui sont parfaitement et suffisamment détaillés. Et c'est pour cela que là, Cheikh Ibn Uthaymeen nous mentionne et nous évoque ce verset en guise de preuve, pour dire que donc la création, parfois, si vous méditez le Coran, et ça convient hein, en circonstance, puisque pendant ce mois du Ramadan, les musulmans vont s'efforcer de lire le Coran, et vont s'efforcer de multiplier la lecture et d'abonder dans la lecture du Coran. Et de ce fait, lorsque vous lisez le Coran, vous allez voir que parfois, il y a la mention de la création, qui est mentionnée d'une manière, et qui est évoquée d'une manière globale et générale, et parfois vous allez voir des détails. Et Cheikh Ibn Uthaymeen nous dit, cette manière-là, le fait qu'il ait cité la création, qu'Allah Jalla wa Ala nous informe au sujet de la création d'une manière globale, et qu'Allah Jalla wa Ala dans d'autres versets, Allah Jalla wa Ala a détaillé cette création, comme on va le voir, en l'occurrence, lorsqu'Allah va nous informer qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours, comme cela sera stipulé dans la sourate Fussilat. Dans la sourate Fussilat. En l'occurrence, il y a une sourate qui est appelée la sourate Fussilat, qui est traduite par la sourate au verset détaillé. Au verset détaillé. Donc vous avez vu, hein? Et c'est de ce fait dans cette sourate où il y aura le détail de la création. Donc la création sera mentionnée plus en détail et où Allah Jalla wa Ala va nous mentionner qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Et Cheikh Ibn Uthaymeen nous explique cette manière d'informer, premièrement, de cette création d'une manière globale, pour que cela s'ancre et s'établisse véritablement chez la personne. C'est-à-dire que lorsque Allah Jalla Wa'ala nous a informés au sujet de la création d'une manière générale, pour que cela nous soit inculqué. Donc lorsque la personne, il lui a inculqué d'une manière générale qu'Allah Jalla Wa'ala est le créateur des cieux et de la terre, alors ensuite cela va s'établir et s'ancrer fermement dans sa personne. Une fois que cela est véritablement établi chez la personne a véritablement conscience de cela, et cela est ancré, alors ensuite, ثم تشوف النفس إلى التفصيل فيريد عليها التفصيل وهي متهيئة لقبول ما يريد عليها. Et de là, Cheikh nous dit que lorsque cela est bien établi, alors ensuite la personne, il va vouloir connaître les détails. Il va vouloir connaître ce qu'on appelle at-tafsil. Fayaridu alayha at-tafsil. Et comme dit Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit Fayaridu alayha at-tafsil wa hiya mutahayyi'atan li qabuli ma yaridu alayha. Mutahayyi'atan li qabuli ma yaridu alayha. Et de ce fait, lorsqu'elle va convoiter, elle va vouloir, elle va désirer des détails, c'est-à-dire cette âme, ce nefs, cet être, lorsqu'il va vouloir des détails, alors il sera préparé pour recevoir les détails de cela. Donc en quelque sorte, il sera réceptif. وهذه الأيام الستة فصلها الله عز وجل في سورة الفصيلات. Et c'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen nous dit, ensuite cela a été détaillé. Et donc, du fait qu'Allah Jalla a créé les cieux et la terre en 6 jours, cela va être détaillé dans la sourate, comme on l'a dit précédemment, Fussilat. Et c'est même pour cela que Cheikh il dit que cette sourate, elle a été appelée de cette manière, elle a été nommée de la sorte. لأن الله جل وعلا قال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. Dans le verset justement, observez le verset 9 de la sourate Fussilat, la sourate des versets détaillés. Allah le Très-Haut dit, est-ce que c'est vous qui mécroyez en celui qui a créé la terre en 2 jours et vous lui donnez des semblables, des égaux, ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ, alors qu'il est le Seigneur de l'univers. Et Allah dit ensuite aussi, une traduction relative à la suite du verset, qui a établi sur la terre des montagnes comme des piliers et qui l'a béni, qui a réparti en 4 jours d'égale durée les ressources répondant aux besoins exacts des vivants. Une traduction relative au sens du verset. Donc regardez, Allah Jalla wa Ala s'adresse aux prophètes et dit, il leur dit, قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Dit, est-ce que c'est vous qui mécroyez en celui qui a créé la terre en 2 jours? Donc là, on a un détail. Il va nous être mentionné qu'Allah nous est informé. Hein. Allah nous dit qu'il a créer la terre en 2 jours. Ensuite, il leur dit, وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا, et vous lui donnez des égaux, des semblables, alors qu'il est le Seigneur de l'univers. Et ensuite, Allah Jalla wa Ala va nous informer au sujet des 4 autres jours. Pour cela, dans ce verset, Cheikh Ibn Uthaymeen fait allusion à ce verset. Donc revenez, c'est le verset 9, Fussilat. Pour ceux qui veulent revenir au verset, mieux le méditer. Cheikh Ibn Uthaymeen fait allusion à ce verset. Pourquoi? Parce que dans ce verset 9 de la sourate Fussilat, la sourate des versets détaillés, alors Allah Jalla wa Ala nous évoque la création des cieux et de la terre et nous informe qu'il les a créés en 6 jours. Et ça, c'est une information importante. Donc là, on voit qu'Allah Jalla wa Ala nous évoque cela d'une manière détaillée. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen a bien fait le parallèle en ce qui concerne l'évocation dans le Coran d'une manière globale, c'est-à-dire de la création des cieux et de la terre, et l'évocation d'une manière détaillée. Ensuite, observez bien, Cheikh Ibn Uthaymeen va mentionner ensuite la suite du verset. Et la suite du verset, Allah Jalla wa Ala, après qu'il nous ait mentionné là et évoqué qu'il a créé la terre en deux jours, ensuite Allah Jalla wa Ala dit « Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha » Ensuite, Allah Jalla wa Ala nous dit, et là c'est très important, il va nous citer trois choses. Allah dit « Et ensuite, il va établir ou il a établi sur la terre des montagnes. Des montagnes qui seraient en quelque sorte comme des piliers. Qui seraient comme des piliers pour la terre. » Donc premièrement, ensuite, Allah Jalla wa Ala nous parle des montagnes lorsqu'il dit « Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha » Ensuite, Allah Jalla wa Ala, après qu'il nous ait dit qu'il a en quelque sorte établi des montagnes comme des piliers, Allah Jalla wa Ala nous dit « Et les a bénis. » Ensuite, Allah Jalla wa Ala, « Wa baraka fiha » les a bénis, il nous parle de la bénédiction. Allah a accordé ensuite sa bénédiction. Wa qaddara fiha aqwataha. Et ensuite Allah Jalla wa Ala a mentionné ici les ressources. C'est-à-dire Allah Jalla wa Ala ensuite a mentionné qu'il a réparti les ressources qui sont les besoins exacts des vivants. Donc regardez, Allah Jalla wa Ala, observez bien. Allah nous a mentionné ensuite, après qu'il ait mentionné et évoqué la création de la terre en deux jours, il mentionne trois choses ensuite. Il va mentionner wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha. Ces trois choses, c'est-à-dire le fait qu'il a établi ensuite des montagnes qui sont des sortes de piliers pour cette terre. Il va mentionner la bénédiction, deuxièmement wa qaddara fiha aqwataha. Et ensuite, Allah, Jalla wa Ala, nous dit qu'il y a réparti les ressources répondant aux besoins exacts de ces êtres, des êtres qui vont vivre sur cette terre. Et donc, ces trois choses-là, très importantes, Cheikh Ibn Uthaymeen nous dit, « هَذِهِ ثَلَاثَ أُمُورْ هَذِهِ ثَلَاثَةُ أُمُورْ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامْ » Allah, Jalla wa Ala, nous dit que ces trois choses-là, ensuite, furent en quatre jours. مع اليومين السابقين furent en quatre jours avec les deux jours précédemment cités pour la création de la terre. يعني عندنا اليومان السابقان واليومان في الأمور الثلاثة. Donc dans ce verset, pour résumer, qu'est-ce qu'on a? Il nous dit on a les deux précédents jours, donc les deux jours pour la création de la terre. Ensuite on a les autres jours. Donc, Cheikh ici nous cite la complétude des quatre jours. Donc, il dit « al-yawman as-sabiqan », c'est-à-dire les deux jours qu'ont précédé. Ensuite, les deux jours d'après. Donc, les deux jours qu'ont précédé, c'était pour la création de la terre. Et les deux jours ensuite, c'était pour ces trois choses qu'on vient de préciter. Donc, ce qui fait un total de quatre jours, ce qui donne les quatre jours. Et donc, plutôt, c'est quatre jours pour aussi bien la création de la terre et ensuite pour les trois choses qui sont mentionnées dans le verset, qui ont été évoquées et dont a souligné Cheikh Ibn Uthaymeen ici. Donc on a ces quatre jours. Donc deux jours, pour résumer, pour la création de la terre et ensuite Allah Jalla wa Ala nous dit « فَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَتَهَا » Ensuite, deux autres jours ici, lorsqu'Allah Jalla wa Ala nous informe qu'il a établi donc les montagnes qui seraient comme une sorte de pilier pour la terre. Ensuite, il a béni cela. Allah nous mentionne sa bénédiction. Wa qaddara fiha aqwataha. Et il a établi la ressource de cela. Et cela s'est fait en quatre jours. Et les deux autres jours pour compléter les six jours vont être mentionnés dans les versets d'après, dans les versets qui suivent. Et plus précisément dans le verset 12. Dans le verset 12, au début du verset 12, ensuite Allah Jalla wa Ala, lorsqu'il va évoquer les cieux, il va dire qu'il les a créés en deux jours. ce qui fait 6 jours. Pour ça, Cheikh Ibn Uthaymeen a fait allusion à ces versets qui sont dans la sourate Al-Fussilat, où il y a vraiment le détail de cela, où il est mentionné d'une manière détaillée qu'Allah Jalla a créé les cieux et la terre en 6 jours. Donc maintenant, on fait bien la distinction. Lorsqu'Allah Jalla, c'est d'une manière générale et globale la création des cieux et de la terre. Ensuite, Allah Jalla, dans d'autres passages du Coran, Allah Jalla nous enseigne d'une manière plus détaillée la création des cieux et de la terre. Mais s'il y a un élément, après que Cheikh Ibn Uthaymeen, il va détailler, mais avant de revenir au détail de cela, il dit ce qu'il faut savoir, un élément très important, c'est que lorsqu'Allah Jalla nous informe d'une manière détaillée qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours, Allah Jalla aurait pu créer la terre en un instant et créer les cieux en un instant. Allah Jalla aurait pu dire à la terre soit. Et il aurait pu dire aux cieux qu'ils soient, et Allah Jalla aurait pu leur donner existence de cette manière. Allah Jalla, s'il mentionne ici les 6 jours, c'est qu'il y a une sagesse immense et infinie. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit que les savants vont émettre des réflexions sur cela. Ils vont dire, certains savants vont émettre des raisons. Pourquoi Allah Jalla nous mentionne cela? C'est-à-dire qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Et pourquoi Allah l'a fait en 6 jours? Donc certains savants vont émettre des réflexions, ils vont mentionner des raisons à cela. Mais ce qu'il faut retenir ici, un élément très important que souligne Cheikh Ibn Uthaymeen, est dire Allah Jalla wa Ala a la puissance absolue, a le pouvoir absolu. Et vous voyez hein, le lien qu'il y a avec le chapitre précédent et la sagesse immense. Et là, on voit que c'est vraiment très judicieux que l'imam al-Bukhari ait fait référence à ce verset dans ce chapitre. Après qu'il ait fait référence et allusion au verset lié à la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, mentionnant, sous-entendant la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa sagesse immense. À présent, on apprend qu'Allah jalla wa ala est le créateur de toutes choses. Allah, du fait qu'il a la puissance et le pouvoir total et absolu, et Allah jalla wa ala est le sage d'une manière parfaite et absolue, Allah Jalla aurait pu dire au ciel qu'il soit, il aurait été, et à la terre de même. Mais Allah Jalla nous informe qu'il a fait cela en 6 jours. Alors qu'Allah Jalla aurait pu le faire d'un instant, il aurait pu ordonner à la terre et aux cieux d'être et d'exister, et ils auraient existé par cet ordre, par un simple ordre d'Allah. Du fait qu'Allah Jalla aurait dit à la terre soit, et elle aurait existé par le simple ordre d'Allah Jalla, alors il y aurait pu avoir l'existence des cieux et de la terre. Mais Allah Jalla, pour une sagesse qui lui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui incombe subhanahu wa ta'ala, Allah Jalla a créé les cieux et la terre d'une manière progressive. Parmi les réflexions qui ont été émises par certains savants, ils ont dit que la raison à cela, c'est que Allah Jalla wa Ala, par ce fait-là, il donne une leçon aux créatures, aux êtres, à ses serviteurs, que lorsqu'ils veulent accomplir une chose, lorsqu'ils veulent faire une chose, alors qu'ils visent la perfection, ce qu'on appelle al-jawda, la qualité, la perfection. Elle itqan, la maîtrise d'une chose, et de ne pas s'empresser et se précipiter. Et donc certains savants, ils ont émis cette réflexion. Qu'en cela, on tire une leçon. Qu'Allah Jalla donne une leçon à ses créatures, à ses êtres, à ses serviteurs, que lorsqu'ils accomplissent une chose, qu'ils le fassent avec perfection, et d'éviter toute forme de précipitation et d'empressement. Aussi, parmi on va dire les réflexions qui ont été émises par certains savants, ils ont dit qu'Allah Jalla, eh ben, a créé les cieux et la terre d'une manière progressive, et cela pour une sagesse. Il y a une sagesse en cela qui est fait le fait d'atteindre la perfection. Lorsqu'on fait une chose d'une manière, ce qu'on appelle en arabe, bi at-tadarruj, d'une manière progressive, de ce fait, on atteint la perfection. Alors, les savants, pour cela, ils ont émis cela, ils ont dit, Allah hakimun, fal khalqu yahtaj ila tadarruj, فكانت الحكمة تقتضي أن يخلقهما بالتدرج حتى يصل إلى الكمال. C'est pour cela que les savants dans cette réflexion ils disent que la création a besoin de cet ordre progressif. Et par sagesse, Allah Jalla wa Ala, lorsqu'il a créé les cieux et la terre, donc il l'a fait d'une manière progressive, et de ce fait, avec cette manière-là, on atteint la perfection. Mais Cheikh Ibn Uthaymeen, il va émettre ensuite une réflexion en disant que ça, ce sont des suppositions, des réflexions qui ont été émises par certains savants lorsqu'ils ont médité, lorsqu'ils ont réfléchi sur la création d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et sur cette manière dont Allah, jalla wa ala, a créé les cieux et la terre. Mais il dit, dans tous les cas, Allah, jalla wa ala, est celui qui possède les clés de tous les mystères, les clés de l'inconnu. Et ça fait partie de ses sagesses, ça fait partie de ses secrets, de ses mystères. Et parfois, ما هو وراء عقولنا في أنه جعل الخلق في ستة أيام دون أن يكون في لحظة يعني لنا أن نقول خلقهما في ستة أيام مع قدرته على خلقهما في لحظة لأمر لا نعلمه. Et Cheikh Ibn Uthaymeen va mettre une belle réflexion, il va dire, dans tous les cas, comme notre réflexion, elle est limitée, et notre raison, elle est limitée, Allah Jalla wa Ala, c'est lui qui détient tous les mystères et les clés de tous les mystères et de l'inconnu. Allah Jalla wa Ala, ce qu'on sait, il aurait pu créer les cieux et la terre d'un seul instant. Car il a le pouvoir et la capacité de créer les cieux et la terre en un instant. Mais Allah Jalla wa Ala a choisi de créer les cieux et la terre en six jours, peut-être pour une raison dont on ignore. Pour une raison qu'on ignore, Cheikh nous dit, Allah a décidé de créer les cieux et la terre en six jours. Ce qui nous incombe à nous, c'est de croire en cela et d'accorder foi en cela. Et peut-être nous, on est peut-être dans l'incapacité de concevoir la sagesse pour laquelle Allah Jalla wa Ala a choisi et a décidé ainsi. Mais ce qui nous incombe, malgré que certains savants ont émis des suppositions, ont émis des réflexions, mais il dit, dans tous les cas, notre réflexion à nous, parfois, elle peut être limitée. Et si Allah, Jalla wa Ala, alors qu'il a la capacité de créer les cieux en un instant et la terre en un instant, s'il a choisi et décidé de créer cela en six jours, peut-être par une sagesse qui lui incombe, qui lui est propre, dont lui en a la connaissance et nous, on ignore cela. Et chier de conclure ce passage-là, regardez comment est-ce qu'il va conclure, chier ce passage. Il va dire, de toute manière, Allah est le plus savant. Et si les sagesses, les réflexions qu'on a émises, si elles sont en concordance avec la vérité et la réalité, et ben ça fait partie du bienfait d'Allah. Et c'est Allah, Jalla wa Ala, qui nous a donné cette connaissance et qui nous a ouvert hein, cette connaissance-là. Yani, fataha lana, ou fataha alayna, hada, yani, idha kanat hiya الموافقة فهذا من لطف الله بنا وفتحه علينا. Donc ça fait partie de la grâce d'Allah. Si notre réflexion au sujet de cette sagesse, elle est bonne, elle est en cohérence et en conformité avec la vérité, alors ça fait partie des bienfaits de la grâce d'Allah. Par contre, il dit وإن لم تكن فنسأل الله أن يعفو عنا خطأنا. Par contre, si elle n'est pas en concordance, cette réflexion qu'on émet au sujet de la sagesse, si elle n'est pas en concordance avec la vérité, alors il dit, nous implorons Allah de nous pardonner cette erreur. De nous pardonner cette erreur. Donc il est fort de constater que Cheikh Ibn Uthaymeen ici vraiment conclut cette réflexion et ce passage de cette manière. Donc les savants, c'est pour cela, que ce soit pour la création des cieux de la terre ou pour ce soit pour autre chose, que ce soit par exemple pour lorsqu'Allah Jalla wa Ala a légiféré certaines adorations, eh bien, les savants, vous avez vu, on a déjà mentionné dans des assises précédentes que les savants ont émis des réflexions, ont cherché les objectifs, les sagesses, le but pour lequel ces actes ont été légiférés de la part d'Allah et pourquoi ils ont été légiférés de telle manière. Et donc, ça, c'est des réflexions qu'émettent les savants. Et les savants savent et sont conscients que parfois, il y a des réflexions au sujet des sagesses qui peuvent être en conformité avec la réalité et la vérité, et parfois elles ne sont pas en conformité, parfois on n'en a pas la connaissance, on ignore ce pourquoi Allah Jalla wa Ala, par exemple, a légiféré telle et telle chose de telle et telle manière. Cela fait partie de la science immense et infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, vous avez pu constater que dans ce chapitre, on va parler de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, aussi bien de la création des cieux, de la création de la terre, puisque l'auteur lui-même, l'imam al-Bukhari, fait référence à ce verset de la sourate Les Bestiaux, le verset 73, comme on a dit, où Allah Jalla wa Ala nous dit qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Et là, vraiment, lorsqu'on va voir les détails de la création des cieux et de la terre, on va vraiment se rendre compte de la grandeur du Seigneur et du pouvoir infini d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que c'était vraiment très judicieux que l'imam al-Bukhari parle et fait référence de ces versets qui nous mentionnent la création d'Allah, qu'il nous parle de ce sujet de la création, comment est-ce qu'Allah Jalla wa Ala a créé les cieux et la terre, après qu'il nous est enseigné qu'Allah Jalla wa Ala est celui qui est le glorieux et celui qui est le tout-puissant, qui détient le pouvoir sur tout, subhanahu wa ta'ala, et il est celui qui a cette sagesse qui est Al-Hakim, qui a ce nom sublime et magnifique, qui est le sage. Et Allah Jalla wa Ala détient cette sagesse infinie. Donc vous avez vu, lorsqu'on fait le parallèle entre ces différents chapitres, on voit qu'il y a des éléments et des enseignements qui sont vraiment inestimables. Et de ce fait, on va se rendre compte de l'immensité et de la grandeur d'Allah et de son pouvoir absolu lorsqu'on va vraiment méditer sa création. C'est pour ça que cette science procure ce qu'on appelle Al-Khashiyah. Avec cette science-là, lorsque le serviteur commence à connaître son Seigneur à sa juste valeur. Pourquoi ? Parce que dans le Coran, Allah Jalla wa Ala nous parle de gens qui n'ont pas estimé Allah Jalla wa Ala à sa juste valeur. وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدَرِهِ. Et n'ont pas estimé Allah Jalla wa Ala à sa juste valeur, nous dit Allah dans un verset, traduction relative. Donc Allah Jalla wa Ala parle et blâme et réprimande ces gens qui ne l'ont pas estimé à sa juste valeur. Donc le croyant, lui, le musulman, la musulmane, doivent estimer Allah Jalla wa Ala à sa juste valeur, subhanahu wa ta'ala. Donc reconnaître la grandeur et la majesté, la magnificence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Reconnaître qu'Allah Jalla wa Ala a le pouvoir sur tout. Et lorsqu'on va méditer sa création, lorsqu'on va vraiment être conscient qu'Allah Jalla wa Ala est le créateur, le croyant croit en cela, mais lorsque vraiment on va méditer sur sa création, on va méditer sur la création des cieux, méditer sur la création de la terre, et méditer sur la perfection de cette création. Car Allah Jalla wa Ala est celui qui a donné existence à la terre, aux cieux. Méditer cette perfection, comment Jalla wa Ala, Allah a créé les cieux et la terre avec perfection. Il en a donné une harmonie, ensuite il a créé l'harmonie. Observer comment cet univers est géré avec harmonie. Donc lorsqu'on observe vraiment et lorsqu'on médite sur tout cela, là le croyant, il va estimer Allah Jalla wa Ala à sa juste valeur. C'est pour ça que Allah blâme et réprimande dans le Coran les gens qui ne l'ont pas estimé à sa juste valeur. C'est pour cela que ce savoir, il est vraiment bénéfique. C'est pour ça qu'on appelle ça l'ilm nafi'a, la science bénéfique et profitable. Cette science-là, le fait d'apprendre à connaître son Seigneur, le fait de méditer la création, ça va nous apprendre justement à connaître le créateur de cette création. Et de cela, c'est à partir de là que le croyant, vraiment dans son cœur, il va y avoir ce qu'on appelle Al-Khashiyah, vraiment la crainte d'Allah. C'est-à-dire que cette science profitable et utile, elle va être la cause de cette crainte qu'il y a dans le cœur. C'est pour cela que les bénéfices de ce savoir sont immenses et sont nombreux. Il y a de nombreux bénéfices et de nombreux biens. Et le croyant, lorsqu'il voit que ce savoir le mène vers la crainte d'Allah, vers la crainte de ce créateur, de ses cieux et de la terre, alors là, il peut se dire à ce moment que cette science, elle est profitable et elle est bénéfique. Beaucoup veulent distinguer. Parfois, il faut savoir, il faut pouvoir faire la différence lorsqu'une science elle est bénéfique, elle est profitable, c'est ça ce qu'on appelle l'ilm nafi, comme on l'a dit, et lorsqu'elle n'est pas profitable. Si vous voyez que votre savoir, il vous mène vers la crainte d'Allah, vers la dévotion, vers la vénération de ce Seigneur, il vous mène vers la soumission et la servitude de ce Seigneur, de ce Créateur des cieux et de la terre, de votre Créateur, alors sachez que cette science, elle est bénéfique. Mais si le croyant voit qu'il apprend et ça ne le mène pas vers la crainte, alors il faut qu'il révise cela pour que cette science soit bénéfique et utile et profitable, pour qu'elle ait des bénéfices sur le croyant, alors il doit avoir en lui cette crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. À titre d'exemple, par exemple, je vous donne un exemple concret et précis. En période de confinement, par exemple, celui qui, par exemple, écoute des rappels, écoute des cours, des exhortations, donc il apprend, il écoute des cours liés à cette science bénéfique. Et lui, il voit qu'en période de confinement, chez lui, il arrive à prier des prières sur rogatoires. Il fait des prières que, par exemple, avant le confinement et avant, par exemple, d'écouter certains rappels, il n'était pas forcément attentif à ces prières-là sur rogatoires. Et il voit que, par exemple, en période de confinement, alors qu'Allah Jalla lui a donné ce temps-là, il voit qu'il arrive à faire certaines prières surrogatoires, il arrive à faire des actes de dévotion, il arrive, par exemple, à lire le Coran. Donc, il fait des actes, mashallah. Il observe ses obligations, mais aussi il fait des actes surrogatoires. Donc, il voit que, mashallah, il a cette motivation et donc il met ce savoir en pratique. Là, on peut. À ce moment-là, s'il ressent qu'il a sa crainte d'Allah Jalla, qu'il s'intensifie, il arrive à faire des actes de dévotion, il arrive à faire des actes surrogatoires, alors ça, c'est des signes du bien. Et ça, c'est des signes de succès. Et c'est des signes que cette science lui est bénéfique et que cette science lui apporte. C'est-à-dire celui qui la met en pratique, cette science. C'est pour cela que, par exemple, celui qui en période de Ramadan, celui qui est heureux de jeûner en ce mois du Ramadan et qui a envie d'accomplir des bonnes actions, celui qui veut vraiment remplir son temps de lecture du Coran, de prière, d'apprentissage du savoir, de méditation des versets du livre et autres, alors le fait que lui, il a ça en lui, il a cette motivation-là, ça c'est les fruits et c'est les bienfaits de ce savoir et de cette science et de l'hymen qu'il y a dans le cœur de la personne. Mais si par exemple la personne, il apprend, donc il lit, il écoute des rappels, des cours, des exhortations, mais il voit que ça change rien à sa pratique. Eh bien, au contraire, son cœur parfois s'endurcit. Alors il doit à ce moment-là se poser des questions. Là, il faut qu'il se questionne et il faut y remédier. Donc il faut qu'il y remédie. Pourquoi? Parce que le rappel d'Allah, lorsqu'on est dans le rappel d'Allah et lorsqu'on vit dans le rappel d'Allah, cela nous procure des bienfaits et des profits et des bénéfices. Et Allah, justement, dans le Coran, il blâme ceux dont le rappel d'Allah ne leur procure pas bénéfices et profits. Et c'est pour cela qu'il faut toujours rester conscient et attentif. Lorsqu'on voit que le rappel d'Allah nous procure du bien et des bienfaits et des bénéfices, alors la personne qu'il sache qu'il est dans un bien. Mais s'il voit que le rappel d'Allah ne lui procure aucun profit et bénéfice, alors là, il faut se questionner, il faut qu'il remédie à cela. Il faut remédier à cela. Et implorer Allah Jalla wa Ala qu'il fasse qu'on soit réceptif au rappel d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Il faut être réceptif à cela. C'est pour cela que si vous observez, par exemple, les savants, que ce soit les savants dans les siècles précédents, ou les savants ou des savants contemporains, beaucoup ont écrit des livres ou bien des épîtres concernant la quête du savoir, concernant le comportement adopté lorsqu'on apprend le savoir, concernant les mérites du savoir, concernant la grâce d'Allah, que ça fait partie, le fait d'apprendre la science religieuse, ça fait partie de la grâce d'Allah, les bienfaits de cette science, le comportement, l'éthique du talab al-ilm par exemple. Le comportement aussi, lorsqu'on apprend cette science-là, les bons comportements à observer, le fait de mettre en pratique cette science-là, le fait de l'appliquer, comment l'appliquer, etc. Donc, vous voyez, beaucoup de savants ont écrit dans le domaine. C'est pour ça que je vous réfère à certains livres. Il y a eu de nombreux livres qui ont été écrits, par exemple, dans les siècles précédents, comme Kitab, le livre de Akhlaq al-Ulama, le comportement des savants, traduction native, de l'imam al-Ajuri. Ça, c'est un livre de référence dans le domaine. Ce livre est célèbre. Et les savants l'enseignent aussi. Ils l'ont commenté. On même fait ce qu'on appelle le tahqiq, hein, vérification des textes et des hadiths qui sont mentionnés dans le livre, qui s'appelle Akhlaq al-Ulama. On a aussi un livre aussi qui s'appelle Jami' al-Bayan, ou Jami' al-Bayan al-Ilm wa Fadli. Jami' al-Bayan al-Ilm wa Fadlihi li Ibn Abd al-Barr. Donc c'est un livre aussi qui est célèbre et connu chez les savants, Jami' al-Bayan al-Ilm wa Fadli. Et on a aussi le livre célèbre de l'Khatib al-Baghdadi, le livre Rihla fi Talab al-Hadith. C'est un livre célèbre aussi dans le domaine. On a aussi le livre de Kitab Tadhkirat al-Sami' wal-Mutakallim fi Adab al-Alim wal-Mutaallim d'Ibn Jamara. C'est un livre qui est célèbre en la matière aussi, dans le domaine. On a aussi Kitab Taqyid al-Ilm. Taqyid al-Ilm, c'est l'un des livres aussi de Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullahu ta'ala. On a aussi le livre, par exemple, du même auteur de Al-Khatib al-Baghdadi. Il a le livre qui s'appelle Sharaf Ashab al-Hadith. Sharafu Ashab al-Hadith. Donc, c'est un livre aussi célèbre de Al-Khatib al-Baghdadi. On a aussi un livre que les savants évoquent aussi parmi les livres bénéfiques dans le domaine de l'apprentissage de la science. Dham man la ya'mal bi'ilmi. Dham man la ya'lam, ou man lam ya'lam. Ou Ya'mal bi'ilmi. Dham man la ya'mal bi'ilmihi de Ibn Asakir. De Ibn Asakir. On a aussi Mukhtasar, Manhaj al-Qasidin. Mukhtasar ou Manhaj al-Qasidin de Ibn Qudama al-Maqdisi, par exemple. Le Ibn Qudama al-Maqdisi est l'auteur de ce livre, Mukhtasar Manhaj al-Qasidin, qui est un livre aussi qui est conseillé. On a par exemple de l'imam Shafi'i, Jima' al-Ilm, un livre qui s'appelle Jima' al-Ilm, de l'imam al-Shafi'i, qui est attribué à l'imam Shafi'i. On a aussi le livre célèbre, hein, du même auteur de ces livres précédents qu'on a cités tout à l'heure, Kitab al-Jami' li Akhlaq al-Rawi wa Adab al-Sami' lil Khatib al-Baghdadi. Al-Jami' li Akhlaq al-Rawi wa Adab al-Sami' wa Adab al-Sami' lil Khatib al-Baghdadi. Et vous avez aussi un très beau livre aussi. Un livre qui est vraiment reconnu chez les savants, qui est célèbre, hein, c'est le livre Fadl Ilm al-Salaf ala Ilm al-Khalaf. Fadl Ilm al-Salaf ala Ilm al-Khalaf, de l'imam Ibn Rajab, de l'hafidh, l'érudit Ibn Rajab. Donc c'est Fadl Ilm al-Salaf ala Ilm al-Khalaf. Et aussi, vous avez des livres qui sont plus contemporains. Il y a beaucoup de savants contemporains qui ont écrit des livres. Comme par exemple le livre qui est très célèbre, Hilyatu Talib al-Ilm, de Sheikh Bakr Abou Zayd. Et en l'occurrence, il y a même le commentaire. Donc il y a le commentaire et l'explication de ce livre, Hilyatu Talib al-Ilm, de Sheikh Ibn Uthaymin, de Sheikh Mohammed Ibn Salih al-Uthaymin. Donc Sheikh al-Uthaymin, il a commenté le livre de Bakr Abou Zayd. Vous avez vu, pourtant, c'est un savant qui lui était contemporain. Et Sheikh Ibn Uthaymin, mashallah, il a commenté le livre de ce savant qui lui était contemporain, qui est Hilyatu Talib al-Ilm. Donc le cheikh, aussi bien le livre Hilyatu Talib al-Ilm, c'est un livre qui est célèbre, hein, chez les étudiants en sciences, et aussi bien le commentaire de Sheikh Al-Athaymine aussi, c'est un livre qui est célèbre chez les Toulab al-Ilm, chez les étudiants en sciences et chez les savants. Et lui-même, Sheikh Al-Athaymine, hormis ce commentaire-là, il a un livre qu'il a rédigé aussi sur le ilm, un livre qu'il a plutôt, qui a son actif sur le ilm, c'est Kitab al-Ilm, qui s'appelle Kitabu al-Ilm, Kitabu al-Ilm de Sheikh al-Uthaymin. On a un autre livre aussi d'un savant contemporain, de Sheikh Abdelaziz Sathan, le livre qui est connu aussi, qui est célèbre chez les Toulab al-Ilm, qui est Ma'alim fi Tariq Talab al-Ilm. Ma'alimu fi Tariqi Talib al-Ilm. Ma'alimu fi Tariqi Talib al-Ilm de Sheikh Sathan. Donc c'est un livre aussi qui fait partie des livres qui ont été écrits, hein, en cette époque, concernant le savoir, concernant le comportement, Comment apprendre le savoir, l'éthique du talab al-ilm, les bénéfices et les profits de cette science, l'importance de la mise en application de la pratique de cette science. Donc, et aussi, ça nous parle des savants, comment ils enseignaient, comment ils apprenaient, comment ils écrivaient, comment ils gardaient, ils préservaient ces enseignements, comment ils allaient chercher les hadiths du prophète, sallam, quel était leur comportement, leur silence, leur éducation et autres. Donc tout ça, c'est mentionné, c'est des chapitres, c'est des sujets, des thèmes qui sont mentionnés dans ces livres. En l'occurrence, vous allez trouver que dans ces livres, il y a un thème important qui est mentionné. Un thème important qui est mentionné et que dont on était en train de ce que j'étais en train de vous dire, c'était ce qu'on appelle al-khashiyah. Al-khashiyah, la crainte d'Allah. Car avec cette science qu'on acquiert, ce qu'on appelle al-khashiyah. Al-khashiyah, ce que les savants nous enseignent, hein, lorsqu'ils nous disent al-khashiyah, c'est la crainte d'Allah. Et c'est pour cela qu'avec cette science et le savoir bénéfique, on acquiert justement al-khashiyah. Et avec la khashiyah, on voit que plus on apprend et plus la personne y connaît son Seigneur, plus il apprend à connaître son Seigneur, il se rend compte de l'immensité d'Allah Jalla wa Ala, alors cette khashiyah va s'intensifier dans son cœur. Donc plus il connaît Allah Jalla wa Ala, plus sa crainte d'Allah s'intensifie. Et donc c'est comme cela qu'on acquiert al-khashiyah, bil-ilm. Donc les bénéfices et les profits de la science bénéfique, c'est qu'on acquiert de la khashiyah. Et de ce fait, plus la personne il se rend compte de la grandeur de son Seigneur, et plus il estime Allah Jalla wa Ala à sa juste valeur, et bien lorsqu'il entend l'évocation d'Allah, c'est là que son cœur s'adoucit. Et donc son cœur va s'adoucir à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il a dans son cœur de la khashiyah, de la crainte d'Allah, car plus il connaît Allah Jalla wa Ala, et plus donc il va estimer Allah Jalla wa Ala à sa juste valeur. Et donc, lorsqu'il entend l'évocation de son Seigneur, alors son cœur s'adoucit. Et vous avez vu, c'est pour cela que le rappel d'Allah, avec le rappel d'Allah, avec l'évocation d'Allah, le cœur du croyant s'adoucit. Et c'est pour cela que les ulama, les auteurs de ces livres, beaucoup de savants, dans leurs livres, lorsqu'ils parlent de la manière d'apprendre le ilm, lorsqu'ils parlent des mérites de la science, des bienfaits du savoir et de la science, il consacre, et beaucoup de savants ont consacré justement de longs passages concernant ce thème qui est al-khashiyah. Pour ça, vous allez trouver dans ces livres, il y aura de longs passages qui seront consacrés à l'étude de al-khashiyah. Et ça, c'est très important. Et regardez, par exemple, on a un verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ Allah nous dit que malheur à ceux qui ont le cœur dur face au rappel d'Allah. Malheur au cœur dur, dans une traduction relative, hein. Allah dit malheur, لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ الْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ, c'est ceux qui ont les cœurs durs. Min dhikrillah, face au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y en a qui ont le cœur dur face au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibn Kathir, il dit, c'est-à-dire ceux qui ont le cœur dur face au rappel d'Allah, yani, falatalinu inda dhikri. C'est-à-dire que leur cœur ne va pas s'adoucir lors de l'évocation d'Allah. Wala takhsha, ils n'ont pas de crainte. Wala ta'i, ils ne sont pas réceptifs. Wala tafham, ils ne comprennent pas. Allah, Jalla wa Ala, dit à leur sujet, Oulaika fi dhalalin mubin. Regardez lorsqu'Allah dit, malheur à ceux qui ont le cœur dur, hein, à l'évocation d'Allah. Allah dit, Oulaika fi dhalalin mubin. Il dit, ceux-là sont dans un égarement évident. Mais regardez à la fin du verset, Allah, Jalla wa Ala, dit, Thumma talinu julooduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Par contre, Allah, Jalla wa Ala, va nous parler de ceux dont leur peau, Allah va même mentionner la peau, le corps de séance, c'est-à-dire leur peau et leur cœur s'adoucissent à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika hudallah yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had. Regardez, Allah Jalla wa Ala dit, c'est ça la guidée d'Allah. Et Allah guide qui il veut vers cette guidée. Et celui qu'Allah égare, nul ne pourra lui trouver une guidée. Et c'est des versets qui sont immenses, regardez. Vous pouvez retrouver les versets dans la sourate Zumar. Lorsqu'Allah dit, il décrit ceux dont les peaux, la peau, hein, leur corps, leur peau, et leur cœur s'adoucissent du rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah décrit les croyants et décrit et fait l'éloge de ceux, lorsqu'ils entendent l'évocation d'Allah, lorsqu'ils entendent la mention d'Allah, lorsqu'ils entendent qu'Allah Jalla wa Ala est évoqué, ils entendent le rappel d'Allah, alors leur peau s'adoucit et leur cœur, aussi bien leur corps, leur peau, s'adoucissent et leur corps s'adoucissent du rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que ce rappel est une douceur. Ce rappel est une douceur pour eux. Et ça, c'est un verset qui est vraiment immense. Donc, c'est comme si leur corps, leur cœur, hein, leur peau, ici, s'apaisent à l'évocation d'Allah. Ils sont apaisés. Lorsqu'ils entendent l'évocation d'Allah, leur cœur s'apaise. Et ça, c'est les signes de l'iman. Donc, plus le croyant apprend, plus le croyant comprend et il apprend à connaître son Seigneur, il connaît son Seigneur subhanahu wa ta'ala, plus il estime Allah jalla wa ala à sa juste valeur, et bien lorsqu'il va entendre l'évocation d'Allah, lorsqu'Allah jalla wa ala lui est évoqué, alors son cœur va s'adoucir et son cœur va s'apaiser. Son cœur va s'apaiser. Et ça, c'est un grand rappel à se faire. C'est un rappel qu'on se fait surtout en période où parfois beaucoup de gens se plaignent. Et on se plaint de ça parfois, de la dureté des cœurs. Parfois avec la routine, avec la vie hein, que les gens mènent, avec la routine, parfois on tombe dans ça et parfois on est touché par cette dureté des cœurs. Et parfois on ressent le cœur dur et on ressent cette dureté des cœurs. Alors c'est pour ça qu'on a dit précédemment, il faut remédier. Il faut remédier. Et la plus grande chose pour remédier à cela, eh ben, c'est d'apprendre à connaître Allah, Jalla wa Ala. Et lorsque la personne va connaître son Seigneur, et donc se estimer Allah à sa juste valeur, alors lorsqu'il entendra l'évocation d'Allah et le rappel d'Allah, alors son cœur va s'apaiser, et là ça va adoucir son cœur. Et c'est de cela avec cela qu'on se soigne de la dureté des cœurs. C'est pour cela que ensuite lui, le croyant, lorsqu'il entend le rappel, lorsqu'il se remémore et lorsqu'il entend l'évocation d'Allah, alors son cœur s'apaise jusqu'à ce qu'Allah, dans le verset, il nous parle du corps, la peau du croyant s'adoucit, s'apaise du rappel d'Allah et de l'évocation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est vraiment un rappel sur l'importance du ilm, sur l'importance de la science. Pourquoi? Parce que celui qui apprend, celui qui se consacre, hein, qui consacre hein, du temps pour l'apprentissage de la science, alors cette science, elle lui sera bénéfique, de sorte qu'ensuite, eh ben, lui, son cœur va commencer à s'adoucir. Et du fait que c'est avec cela qu'ensuite qu'on acquiert la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et plus la crainte s'intensifie, et plus le croyant, son cœur s'adoucit et s'apaise du rappel et de l'évocation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. À présent, vous comprenez pourquoi les savants ont vraiment consacré de longs passages, hein, de longs passages pour parler justement de al-khashiyah, de al-khashiyah. Et c'est pour ça que lorsque les savants même nous parlent de Al-Khashia, pour mieux comprendre Al-Khashia, lorsqu'ils nous disent qui est-ce qui a réellement Al-Khashia, Allah Jalla wa Ala nous dit Innama yakhshallah min ibadihi l'ulama. C'est pour ça qu'Allah, dans un verset, il nous dit que ceux réellement qui craignent Allah, ce sont les savants, ce sont Al-Ulama. C'est-à-dire ceux qui ont la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça Al-Ulama. Al-Ulama, c'est ceux qui ont la connaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc plus la personne, plus un frère, il a de la connaissance au sujet d'Allah, plus il va craindre Allah. Et c'est comme cela qu'on acquiert la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Plus une sœur, elle apprend à connaître son Seigneur, plus elle apprend, plus elle fait talab al-ilm, plus elle connaît son Seigneur, plus elle va craindre Allah, subhanahu wa ta'ala, et elle va voir cette crainte s'intensifier. Et de ce fait, le corps, la peau, les cœurs s'adoucissent de l'évocation et du rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est très important. Alors, c'est pour cela que lorsqu'on voit que on commence à être touché par une routine, on commence à avoir les cœurs qui s'endurcissent, les cœurs durs, souvent, beaucoup se plaignent de cela et on se plaint beaucoup de cela. Et c'est pour ça, là, c'est une période, en période de confinement et en période de Ramadan, c'est dans une période comme ça qu'on peut remédier à cela. À savoir aussi, on est touché parfois par les fléaux par lesquels on est touché, ou par lesquels on est touché parfois, donc la dureté des cœurs, pour ça il faut y remédier, faut faire attention à la dureté des cœurs, et aussi parfois bah, la paresse. La paresse aussi c'est un fléau. Et tellement que c'est un fléau, le prophète sallam demandait protection contre la paresse. Et invoquait Allah, il implorait Allah contre la paresse, qu'Allah le préserve et le protège de la paresse. C'est pour ça que vous avez des invocations. Regardez, le prophète sallam nous a informé, nous a enseigné plutôt des invocations contre la paresse, contre le fait d'être paresseux, ce qu'on appelle al-kasal. Al-insan Allah yakun kasulan, ne pas être paresseux. Et donc, c'est pour ça que celui qui voit en lui une forme de paresse, et personne n'est à l'abri de cela, hein. C'est un rappel qu'on se fait. Lorsqu'on voit en nous-mêmes une forme de paresse, qu'on peut être touché par une sorte de paresse, alors dans ce cas-là, le prophète ensemble nous a enseigné des invocations. Il faut invoquer Allah. Donc il y a des. Regardez par exemple dans la citadelle, vous pourrez trouver des doigts. Donc le prophète ensemble demande protection, nous a enseigné comment demander protection contre la paresse. Et de ce fait, vous avez vu, c'est avec le rappel d'Allah que les cœurs s'adoucissent. Donc il faut profiter en période de confinement, il faut profiter aussi en période de Ramadan. Lorsqu'on lit le Coran, méditer les versets, vous allez voir que lorsqu'on est touché par la dureté des cœurs, vous allez voir qu'ensuite, là, on va commencer à s'apaiser. Et les cœurs, ensuite, vont commencer à s'adoucir, à s'apaiser du rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, c'est pour ça que les savants, vraiment, ils ont consacré vraiment, vraiment de longs passages pour parler de ce qu'on appelle al-khashiyah, de la crainte d'Allah. Pourquoi? Parce que c'est cette crainte-là qui est à la base, hein, dans le cœur, puisque l'endroit de la crainte, c'est le cœur, mais c'est cette crainte-là qui est dans le cœur du serviteur qui va ensuite apparaître et s'extérioriser à travers les membres. Et elle s'extériorise avec de la dévotion. C'est pour cela que pour avoir de la dévotion, cette dévotion-là qu'on a d'une manière externe, hein, qu'on extériorise, ça, c'est le reflet de cette crainte interne. C'est comme si cette crainte qui est interne se reflète à travers notre dévotion, à travers notre dévotion apparente, qui devient apparente. Et tellement le sujet, il est tellement important que les savants vraiment ont consacré de longs épîtres sur cela. Et on pourra même détailler cela dans d'autres assises, Inch'Allah. Et donc, il faut méditer. Il faut méditer le verset lorsqu'Allah Jalla wa Ala nous dit « Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama ». C'est vraiment ceux qui craignent Allah, ce sont les savants. Ce sont les savants. Donc plus, comme on l'a dit précédemment, on apprend, plus on comprend, plus on connaît notre Seigneur, plus on l'estime à sa juste valeur, plus la personne il a de ce qu'on appelle de la crainte. Et ceux vraiment qui ont de la crainte, ce sont les savants. Donc c'est ceux qui sont connaisseurs de leur religion. On va s'arrêter sur ce rappel-là et on continuera, inshallah, dans la prochaine assise. Bihawlillahi jalla wa ala, wallahu a'lam, wa billahi tawfiq, wa usalli wa usallim ala ashrafil anbiya wal mursalin, نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك